En chinois, un peu ou un petit peu se dit 一点儿, 一, doigt noir pointé vers le sol, 点儿, veille rouge de la victoire, 一点儿, pour dire un peu. Dites-vous que les Chinois admirent Napoléon. Ils le trouvent certes un peu petit, mais il représente pour eux l'empereur idéal. Comment dites-vous un peu ? Hi, di, dir, hi, dir, hi, dir. Pour les Chinois, Napoléon est l'empereur. Hi, dir. Voyons maintenant la phrase « Mon ami parle un peu le chinois ». Alors traduisez d'abord « mon » «我的 » «ami » «朋友 » «parle » «说 » «un peu » «一点 » «langue chinoise, chinois » «中文 » On n'a donc pas besoin d'un mot pour dire le, là, hein, n'est-ce pas, c'est ça ? Non, on n'a pas besoin d'ajouter un mot pour dire le, car le est implicite, là, il est sous-entendu. Ah, super. Donc, mon ami parle un peu le chinois. 我的朋友说一点中文. Maintenant, dites-moi, mon professeur sait un peu parler français. Mon professeur. 我的老师 sait, est capable de. 会 parler. 说 un peu. 一点 langue française. 法文 Comment dites-vous parler? 说 C'est ça. 说 Et comment dites-vous un peu? 一点儿 Oui, on dit 一点儿 Mon professeur sait un peu parler français. 我的老师会说一点儿法文